3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. Né en 1908, l'auteur Ian Fleming sera recruté à un jeune âge afin de travailler comme assistant personnel du directeur du renseignement naval avant de rejoindre l'organisation à temps plein en août 1939, où il travaillera tout au long de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de celle-ci, le jeune homme se fera construire une résidence où il ira rester avec sa famille, une place qu'il nommera GoldenEye. Désirant écrire un roman d'espionnage, ce sera à cet endroit que le jeune Fleming créera un personnage qui changera alors le cours de son existence, soit l'agent secret britannique le 007, James Bond. Ce n'est qu'au début de 1952 qu'il débutera l'écriture de Casino Royale, se servant de ses propres expériences comme agent secret durant la guerre comme inspiration. Le personnage principal de son tout premier roman sera initialement nommé James Secretan. Mais le jeune auteur décidera de changer le nom pour Bond, prenant le nom réel de l'auteur d'un guide d'ornithologie intitulé « Birds of the West Indies ». Une fois terminé, Fleming remettra son œuvre littéraire à son ami, le poète sud-africain William Plummer. Ce dernier estimera que le livre était suffisamment prometteur pour en envoyer un exemplaire à la maison d'édition Jonathan Cape, qui décidera alors de publier l'œuvre sur la recommandation du frère aîné de Fleming, Peter, un écrivain reconnu pour ses livres de voyage, également publiés par la dite maison d'édition. Casino Royale sera donc publié pour la première fois le 13 avril 1953 au Royaume-Uni sous forme d'édition cartonnée avec une couverture conçue par Ian Fleming lui-même. Plus de 4728 exemplaires seront imprimés par la maison d'édition et seront vendus en moins d'un mois. Un deuxième tirage, qui sera fait le même mois, sera également vendu, tout comme un troisième tirage de plus de 8000 livres publié en mai 1954. Les chiffres de vente seront donc suffisamment solides pour que la maison d'édition Jonathan Cape propose à Fleming un contrat de plus de 3 livres. Ce sera en 1954 que le poste de télévision américain CBS paiera la modique somme de 1 000 $ à l'auteur afin d'adapter Casino Royale en une aventure télévisée d'une heure dans le cadre de leur nouvelle série anthologique dramatique intitulée Climax. Le scénario sera alors adapté par les scénaristes Anthony Ellis et Charles Bennett, Bennett étant surtout connu pour ses collaborations avec Alfred Hitchcock pour les films de 39 Steps et Sabotage. Cependant, en raison de la restriction d'une pièce d'une heure, la version adaptée a perdu de nombreux détails trouvés dans le livre, même si elle a conservé sa violence, en particulier dans le troisième acte. L'épisode, qui sera mis en scène par William H. Brown, fut diffusé le 21 octobre 1954. ce sera Barry Nelson qui sera alors le tout premier acteur à interpréter le personnage de l'agent secret James Bond, alors que Peter Lorre interprétera le personnage du chiffre. Plusieurs modifications furent apportées face à l'œuvre littéraire, le personnage de Bond devenant un agent américain travaillant pour la Combined Intelligence, soutenu par un agent britannique du nom de Clarence Leiter, un agent de l'organisation Station S, qui était une combinaison des personnages de Felix Leiter et René Matisse. La distribution sera complétée par Linda Christian et Michael Patey, alors que William Ludigan animera le programme. En 1958, soit 4 ans après la production de Casino Royale, CBS invitera Fleming à écrire plus de 32 épisodes sur une période de 2 ans pour une émission télévisée basée sur son personnage de James Bond. Fleming acceptera et commencera à rédiger les grandes lignes de cette série. Cependant, le projet ne verra finalement jamais le jour. L'épisode de Casino Royale sera perdu pendant des décennies après sa diffusion en 1954, jusqu'à ce qu'un kinescope noir et blanc de la diffusion en direct soit localisé par l'historien du cinéma Jim Schoenberger en 1981. L'épisode retrouvé n'incluait cependant pas les 2 dernières minutes de l'émission, les images manquantes étant retrouvées plus tard. En 1958, le roman sera adapté une première fois en bande dessinée par l'auteur Anthony Hearne et le dessinateur John McCloskey. En effet, un comic strip sera publié quotidiennement dans le tabloïd britannique Daily Express. Et c'est ainsi que naîtra la légende de l'agent secret 007, dont la toute première histoire sera adaptée à plus de 2 reprises sur le grand écran, une première fois en 1967 avec la comédie d'espionnage des réalisateurs John Huston, Ken Hughes, Val Guest, Robert Parrish et Joseph McGrath, et finalement, en 2006, une version beaucoup plus sérieuse qui sera produite par la compagnie Eon Production et réalisée par le metteur en scène néo-zélandais Martin Campbell. Donc, sortez vos talents d'espion et de joueur de cartes alors que je vous transporterai dans cet univers véritablement étrange qu'est la saga de Casino Royale. It's our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theater. For the information of those who are attending the drive-in for the first time, the following hints will make you feel at home and add to your enjoyment. Firstly, if you've not already done so, remove the speaker from the stand and place it in your car. Secondly, adjust the volume control to suit your requirements. Right for loud, left for soft. We must issue this warning. No attempt should be made to disconnect the speaker. To do so, we'll immediately register a red light in our control room. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about fresh fillets of fish with chips and salad? Tender steak with eggs, chips, and salad. A big cup of hot chips or fish and chips. Thick, crunchy hamburger. Giant-size hot dogs laced with sauce or mustard. Banana fritters with rich, full cream. Steaming hot coffee. Icy orange or lemon drink. Smooth, creamy ice cream. And a great range of sweets and chocolates. Our snack bar is open for service. One final word. Before leaving, replace the speaker on its stand, then drive forward and move to your left. You must never reverse out of your position. Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening. Before Sean, before Roger, there was Barry Nelson. Hello. It's James Bond. Lost for 30 years, it's the first telecast of Casino Royale since 1954. Has he changed much since the days when you two were? He looks just the same. With the villain, the woman, and the high stakes. Pain and killing's part of my job. Hi, I'm Leonard Maltin. Join me for the very beginning of Bond, Casino Royale. 8 Eastern Sunday night on TBS. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime! Get more out of life. Go out to a movie. Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. My doctor says I can't have bullets enter my body at any time. What if I said I was pregnant? Joanna Pettit is James Bond. Rather warm in here, don't you think? Cool it, Charlie. Casino Royale is too much for one James Bond. Orson Welles is the heaviest heavy of Smirch. Dahlia Lavi is James Bond. I'm the new secret weapon. And knife. We're fighting for our lives. Casino Royale is too much for one James Bond. Next. Terrence Cooper is James Bond. Barbara Boucher is James Bond. Casino Royale is indestructibly wild. Hello, sailor. Indescribably funny. Oh, you like that sort of thing, eh? Join the Casino Royale fun movement. Casino Royale, ou Au service de Sa Majesté, est une comédie d'espionnage qui a été produite et distribuée par les studios Columbia Pictures le 13 avril 1967 en Angleterre et le 28 avril 1967 aux États-Unis. Ce film américano-britannique d'une durée de 131 minutes coûtera plus de 12 millions de dollars à produire et amassera plus de 41,7 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, eh bien, on retrouve les réalisateurs britanniques Ken Hughes, lui qui avait réalisé les films Chitty Chitty Bang Bang, Cromwell et Shark. Val Guest, lui qui avait réalisé les films When Dinosaurs Ruled the Earth et The Day the Earth Caught Fire. Ainsi que les réalisateurs américains John Huston, lui qui avait réalisé les films The Maltese Falcon, The African Queen et Pretty's Honor. Robert Parrish, lui qui avait réalisé les films Journey to the Far Side of the Sun et Up from the Beach. Et finalement, le réalisateur écossais Joseph McGrath, lui qui avait réalisé les films The Magic Christian, Rising Damp et The Loser. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Charles K. Feldman, lui qui avait produit le film What's New Pussycat et The Seventh Down, ainsi que Jerry Bressler, lui qui avait produit les films Major Dundee, Pussycat, Pussycat, I Love You. Du côté de la scénarisation, eh bien, ce sont les scénaristes britanniques Wolf Mankiewicz, lui qui avait écrit les films The Hero et la version de 1971 de Black Beauty, John Law, lui qui avait écrit les films Mother Goose, The Frost Report et Comedy Playhouse, ainsi que le scénariste irlandais Michael Sayers, lui qui avait écrit les films Interpol Calling et la série télé The Adventures of Robin Hood, qui fut diffusée à la télévision entre 1957 et 1959. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Orson Welles, Joanna Pettit, Dahlia Levy, Woody Allen, Deborah Kerr, William Holden, Charles Boyer, John Huston, Kurt Kasnar, Jean-Paul Belmondo, Terence Cooper, Barbara Boucher, Jacqueline Bisset et Caroline Monroe. Sir James Bond, ancien as de l'espionnage, vit retiré dans son château. Les services secrets le font sortir de sa retraite pour affronter une organisation criminelle. Pour confondre les bandits, plusieurs agents prennent le nom et le matricule de Bond, dont l'un d'eux doit affronter un agent opposé du nom de Le Chiffre dans une partie de baccarat. En novembre 1952, plusieurs mois avant la publication de son premier roman « Casino Royal », Ian Fleming achète une petite agence théâtrale du nom de Gleedrose Production Limited afin de produire une adaptation cinématographique de son œuvre. Finalement, après la publication du livre, ce sera le producteur Curtis Brown qui obtiendra les droits de production pour concevoir une adaptation télévisée américanisée d'une heure qui deviendra alors le troisième épisode de la nouvelle série Climax sur la chaîne CBS. Après la sortie du téléplay de Casino Royale en 1954, les droits cinématographiques du roman reviendront alors à Fleming, qui les vendra ensuite en 1955 au producteur Gregory Ratoff pour la modique somme de 6 000 $. Ratoff, qui était en Égypte pour jouer dans un film comme acteur, obtiendra une importante somme d'argent pour son travail, dont il se servira pour acheter les droits de l'œuvre de Fleming, dont il avait lu une critique dans le Time magazine. Ratoff embauchera par la suite le scénariste Lorenzo Semple Jr. pour l'écriture d'une adaptation cinématographique avec comme ligne directrice que le personnage de Bond soit en réalité une femme et que ce personnage serait alors interprété par l'actrice Susan Hayward. En janvier 1956, l'acteur-producteur créera une société de production avec Michael Garrison, mais le projet de film de Casino Royale sera alors rejeté par la 20th Century Fox. Les deux hommes seront alors incapables de trouver des bailleurs de fonds avant la mort de Gregory Ratoff en décembre 1960 suite à une leucémie. Ce sera alors l'agent artistique de ce dernier, Charles K. Feldman, qui rachètera les droits cinématographiques du roman à sa veuve pour un montant de plus de 75 000 $, ce dernier étant par la suite approché par le producteur Albert Broccoli, qui cherchait à s'approprier à ce moment tous les droits des romans de James Bond depuis quelques années. Feldman refusera de lui vendre et lui et son ami le réalisateur Howard Hawks décideront de débuter le travail d'adaptation de Casino Royale, considérant Lee Brackett comme scénariste et Cary Grant dans le rôle de Bond. Après avoir visionné Dr. No en 1962, Hawks se retirera du projet en raison de son amitié et de son ancienne collaboration avec le producteur Albert Broccoli. Feldman confiera donc à Ben Hecht l'écriture du script. Plusieurs brouillons, conformes au ton du roman original, seront écrits. Malheureusement, Hecht décédera d'une crise cardiaque en 1964, tout juste après avoir fini d'écrire le scénario de base. Ce sera lui qui aura l'idée de plusieurs agents travaillant sous couverture en utilisant le nom de James Bond comme nom de code, la seule contribution du scénariste restante au produit final. Désespéré, Feldman, qui avait investi plus de 550 000 $ de son propre argent dans la pré-production jusqu'à présent, décidera de tenter à nouveau un accord avec Eon Production et United Artists. Les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman offriront donc à Feldman 500 000 $ plus un pourcentage des bénéfices tout en assurant les services de l'acteur Sean Connery dans le rôle-titre. Cependant, la tentative de coproduction échouera finalement car Feldman se disputait fréquemment avec Broccoli et Saltzman, notamment concernant la répartition des bénéfices et le moment où l'adaptation de Casino Royale commencerait la production. Suite à l'échec de l'entente avec Eon Productions, Furman cherchera alors à signer une entente avec les exécutifs de la Columbia Pictures à travers le scénario de Hitch. Le contrat sera alors signé et un budget de plus de 5 millions de dollars sera alors approuvé, le tournage devant commencer à temps pour permettre une sortie durant l'été 1966. Joseph Heller et son ami George Mendel travailleront par la suite sur le projet pendant quelques semaines, soumettant plus de 100 pages après que Furman eut offert 150 000 $ à Heller. Le scénario sera par la suite entièrement réécrit par Billy Wilder. En fin de compte, ce sont les scénaristes Wolf Mankiewicz, John Law et Michael Sayers qui seront crédités du scénario final. En plus des écrivains crédités et ceux spécifiés précédemment, Woody Allen, Peter Sellers, Val Guest et Terry Southern auront tous contribué au scénario à des degrés divers, Sellers embauchant lui-même Southern pour écrire tous ses dialogues. Au niveau de la distribution, Furman approchera l'acteur Sean Connery pour jouer l'un des Bonds, mais ce dernier demandera alors un salaire de plus de 1 million de dollars, ce que Furman refusera. Suite à cet échec, le producteur décidera qu'une distribution forte serait la solution à son problème. Il approchera donc l'acteur Peter Sellers, avec qui il venait tout juste de travailler sur What's New Pussycat, et lui proposera le rôle de Bond. Sellers refusera, mais sera finalement persuadé par Furman d'interpréter l'un des doubles de l'agent 007. Jean-Paul Belmondo et George Raft recevront de fortes rémunérations, même si les deux hommes n'apparaissent que brièvement lors de la bagarre culminante de la fin du film. Orson Welles et Woody Allen se joindront à la distribution, tout comme l'acteur David Niven, qui interprétera ici le véritable Bond. Quant à l'acteur David Prowse, celui-ci, connu pour avoir interprété physiquement le personnage de Darth Vader dans les trois premiers films de la franchise Star Wars, fera ses débuts ici sur le grand écran, obtenant le rôle d'un monstre de type Frankenstein pour la séquence finale. Afin de profiter de la popularité de la franchise, Furman embauchera l'actrice Ursula Andress, connue comme étant la toute première Bond Girl dans Doctor No. En plus de Andress, il embauchera également les acteurs et actrices Vladek Shebal, qui avait joué dans From Russia with Love, Angela Sklar, qui avait eu un rôle dans On Her Majesty's Secret Service, Burt Cook, que l'on avait vu dans Goldfinger, et Milton Reed, que l'on avait vu dans Doctor No. Se rajoutera des vedettes qui apparaîtront plus tard dans la franchise de Eon Production, soit Jean Roland, que l'on verra dans You Only Live Twice, Caroline Monroe, qui sera de la distribution dans The Spy Who Loved Me, John Hollis, qui sera dans For Your Eyes Only, et finalement John Wells, qui sera également de la distribution de For Your Eyes Only. Au final, plus de 3 millions de dollars du budget fut englobé par la distribution. Ce sera le réalisateur de télévision écossais Joseph McGrath qui sera alors embauché pour réaliser le long métrage. Le tournage débutera le 11 janvier 1966 au Pinewood Studios, au Shepherdstown Studios ainsi qu'au Twickenham Studios à Londres. De nombreuses séquences extérieures seront tournées à Londres, au Kent, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en Irlande ainsi qu'en Écosse. Cependant, des problèmes de production conduiront rapidement à l'embauche de 4 autres réalisateurs, chacun se voyant donner des instructions uniquement pour leur propre segment, sans savoir ce que les autres allaient faire. Les problèmes débuteront lorsque le réalisateur Joseph McGrath sera licencié de la production sur les instructions de Peter Sellers. Ce sera à ce moment que le producteur Charles Furman décidera de faire de Casino Royale un film anthologique qui sera réalisé par plusieurs réalisateurs. Ce sera la raison pour laquelle le metteur en scène Robert Parrish prendra ensuite le relais de fin février à fin avril 1966, son travail sur le film étant confiné au studio Shepperton. Puis, ce sera le célèbre réalisateur américain John Huston qui tournera au Pinewood Studios d'avril à juin avec des tournages supplémentaires en Irlande. De retour au studio Shepperton, l'acteur, réalisateur et cascadeur américain Richard Talmadge tournera les séquences d'action sur le plateau du casino de mai à juillet. Finalement, Fairmoon décidera d'embaucher Val Guest pour que ce dernier tente de donner un sens à l'ensemble de la production alors que Kenneth Hughes tournait quelques séquences en septembre 1966. Guest terminera alors le tournage des effets spéciaux et certaines prises de vue en octobre 1966 afin de faire le lien entre chacune des histoires réalisées. Durant la production, Peter Sellers sera intimidé par l'acteur Orson Welles au point que les deux acteurs ne pouvaient littéralement pas se voir. Welles considérait Sellers comme un acteur amateur. Mais la rupture entre Welles et Sellers sera principalement causée par l'arrivée sur le plateau de tournage de la princesse Margaret, sœur de la reine Élisabeth II. En effet, Sellers la connaissait personnellement et l'avait saluée de manière ostentatoire pour s'assurer que tous les acteurs et l'équipe le remarqueraient. Cependant, la princesse passa devant lui et fit toute une histoire à propos de Welles. Déconcerté, Sellers quittera le plateau de tournage en trombe et refusera de filmer à nouveau avec Welles. À l'exception de quelques clichés, aucun des deux acteurs ne sera en studio simultanément, tournant chacun leur scène séparément. Lors de la production de la fameuse séquence du casino, le tournage dut être temporairement interrompu lorsqu'Ursula Andress se blessera à l'œil alors qu'elle nourrissait un cerf dans un parc de Londres. Cet arrêt coûtera plus de 64 000 $ à la production puisqu'environ 200 figurants étaient nécessaires pour tourner la dite séquence. D'autres problèmes surviendront alors que Sellers fera de nouvelles réécritures de ses dialogues afin de s'assurer qu'il se démarquerait comme la vedette principale du film et ainsi éclipser tous les autres acteurs notables, notamment Orson Welles, ainsi que le jeune Woody Allen. D'ailleurs, Sellers prenait à cœur le rôle de Bond et ce dernier était ennuyé par la décision de faire de Casino Royale une comédie. Même qu'à un certain moment, Sellers frappera le réalisateur Joseph McGrath, qui était pourtant un ami personnel de l'acteur, lorsque le metteur en scène se plaindra de son comportement sur le plateau de tournage, ce qui amènera d'ailleurs au renvoi de McGrath. En fin de compte, la participation de Sellers au film sera brusquement interrompue lorsque ce dernier quittera subitement la production avant même que toutes ses scènes ne soient tournées, ce qui forcera les producteurs à trouver un moyen de faire fonctionner toutes les images existantes dans le montage final, ce qui explique la disparition soudaine de son personnage dans l'histoire. Alors que Welles obtiendra la permission du réalisateur Val Guest de réaliser ses propres tours de magie dans certaines de ses séquences, d'autres vedettes bien établies, telles que Peter O'Toole et des légendes sportives telles que Stirling Moss, ont pris des rôles non crédités uniquement dans le but de travailler avec les autres membres de la distribution. O'Toole acceptera même comme paiement une caisse de champagne. Ce sera le directeur des cascades Richard Talmadge qui engagera l'actrice Geraldine Chaplin pour apparaître dans un bref caméo qui sera coupé au montage. Casino Royale marque également la toute première expérience cinématographique pour la jeune Angelica Huston, sollicitée par son père, le réalisateur John Huston. Quant à Woody Allen, ce dernier verra ses séquences tournées à Londres. Cependant, l'acteur arrivera en Angleterre et restera plusieurs jours dans sa chambre dans l'un des hôtels les plus luxueux de la place en attendant qu'il soit appelé à tourner ses scènes. Au final, les producteurs ont tellement retardé son dernier jour de tournage que, par frustration, Allen a quitté le plateau, s'est rendu directement à l'aéroport et est rentré à New York sans même changer de costume. Le tournage se terminera donc en octobre 1966. Cependant, le projet s'étant heurté à plusieurs problèmes et ayant pris plusieurs mois de retard, les coûts avaient également largement dépassé le budget initial, ayant finalement à côté les 12 millions de dollars, un des films les plus chers jamais réalisés à ce jour. Au final, le réalisateur John Huston aura mis en scène plus de 38 minutes de la version finale, Val Guest 26, Kenneth Hughes plus de 25 minutes et finalement, Joseph McGrath et Robert Parrish auront réalisé chacun plus de 20 minutes du film. La santé du producteur Charlie Feldman s'effondra pendant la production de Casino Royale, principalement à cause de tous les problèmes imputés à l'acteur Peter Sellers. Peu de temps après la sortie du long-métrage, Feldman perdra la vie des suites d'un cancer du pancréas en 1968 à l'âge de 63 ans. Pour la partition musicale, Feldman décidera de faire appel au compositeur américain Burt Bacharach, qui avait composé la précédente production de Feldman, soit What's New Pussycat. Bacharach travaillera plus de 2 ans sur Casino Royale, composant entre-temps la musique du film After the Fox. Ce sera le parolier Hal David qui contribuera à plusieurs chansons du long-métrage, dont beaucoup apparaîtront finalement dans des versions instrumentales. Herb Halpert and the Tijuana Brass interpréteront également certaines des chansons avec Mike Redway, dont la chanson-titre au générique de fin. La chanson de Bacharach et de Hal David, The Look of Love, recevra une nomination comme meilleure chanson aux Oscars de 1968. Devant initialement sortir à Noël en 1966, Casino Royale ne sortira finalement en salle que le 28 avril 1967, principalement à cause des différents problèmes durant la production du film, le tournage s'étant déroulé plusieurs mois après le calendrier prévu. La comédie d'espionnage aura sa première mondiale à Loudoun Leicester Square de Londres le 13 avril 1967, battant de nombreux records d'ouverture dans l'histoire du théâtre. Fait cocasse, le film était encore en cours de finition lors de sa présentation, alors que les derniers montages s'exécutaient lors de la diffusion du film dans la salle de projection. C'est pour cette raison, et le fait que les exécutifs de la Columbia Pictures voulaient échapper à la mauvaise presse, qu'aucun prévisionnement médiatique ne sera organisé avant la première nord-américaine qui aura lieu à New York le 28 avril au Theater Capitol et Cinema One. Casino Royale sera distribué 2 mois avant le 5e film de la franchise de Bond, produite par la Eon Production, soit You Only Live Twice. Cela créera une confusion massive quant à savoir s'il s'agissait ou non d'un véritable film de Bond, augmentant considérablement la fréquentation du box-office de nombreux cinéphiles pensant voir le nouvel épisode de la franchise de 007. L'attrait du nom de James Bond sera suffisant pour faire en sorte que le film arrivera au 14e rang du box-office nord-américain de 1967 avec un montant brut de 22,7 millions de dollars sur le continent nord-américain et un montant additionnel de plus de 19 millions de dollars au niveau international. Grâce au contrat qu'il avait négocié à l'époque, la succession de Peter Sellers amassait encore de l'argent en 2011 en rapport avec le long-métrage « Le comédien » ayant négocié à l'époque un montant extraordinaire de 3 % des bénéfices bruts. Un incident célèbre surviendra lors de la diffusion du long-métrage dans une salle de cinéma à Boston, après qu'une station de radio locale ait promis une entrée gratuite à une projection pour toute personne portant un trench coat. Plus de 15 000 personnes se verront alors refuser l'entrée pour le spectacle prétendument gratuit, causant une émeute qui fit plus d'une trentaine de blessés. 15 personnes seront arrêtées suite à cet incident où des magasins seront pillés, des voitures brisées, ainsi que 2 petits incendies qui seront déclenchés à l'intérieur du cinéma. Au niveau des réalisateurs, plusieurs nous ont quittés aujourd'hui. John Huston décédera le 28 août 1987 dans sa résidence de Rhode Island d'une pneumonie à l'âge de 81 ans. Ken Hughes, lui, est décédé des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer le 28 avril 2001 dans une maison de retraite à Panorama City à Los Angeles. Ce dernier était âgé de 79 ans. Val Guest décédera dans un hospice de Palm Desert en Californie d'un cancer de la prostate le 10 mai 2006 à l'âge de 94 ans. Finalement, le réalisateur Robert Parrish décédera à l'hôpital de Southampton à Long Island à l'âge de 79 ans le 4 décembre 1995. Au niveau de la distribution, eh bien, l'acteur David Niven décédera à son chalet personnel en Suisse le 29 juillet 1983 à l'âge de 73 ans des suites d'une maladie. Peter Sellers, quant à lui, décédera le 24 juillet 1980 à l'âge de 54 ans à l'hôpital Middlesex de Londres des suites d'une violente crise cardiaque. George Orson Welles perdra également la vie des suites d'une crise cardiaque le 10 octobre 1985 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 70 ans. Pour l'actrice Deborah Kerr, celle-ci décédera à l'âge de 86 ans le 16 octobre 2007 dans le village de Bottesdale, en Angleterre, des suites de la maladie de Parkinson. Finalement, le comédien William Holden perdra la vie de façon dramatique après avoir saigné à mort dans son appartement de Santa Monica, en Californie, le 12 novembre 1981. L'acteur, qui était ivre au moment de l'accident, se lacérera le front en glissant sur un tapis et en heurtant une table de chevet. Son corps sera retrouvé sans vie 4 jours plus tard. Quant au compositeur musical Burt Freeman Bacharach, le musicien mourra de cause naturelle à sa résidence de Los Angeles, en Californie, le 8 février 2023, à l'âge de 94 ans. Il faudra attendre presque plus de 30 ans avant d'avoir une nouvelle version sérieuse du roman de Ian Fleming, les droits d'auteur du roman allant alors vivre une aventure aussi tumultueuse que ceux de Thunderball à l'époque. Du côté des points forts, eh bien, cette version de Casino Royale bénéficie d'une distribution grandiose qui, malheureusement, est mal utilisée ici dans la majorité du temps de cette comédie. L'un des seuls personnages vraiment amusants demeure celui interprété par Woody Allen. La grande force de ce James Bond, qui n'en est pas vraiment un, est sans contredit les décors tout simplement époustouflants du production designer Michael Stringer, qui est-ce qui nous rapproche le plus d'un film habituel de l'agent 007. De plus, la direction photo de Jack Hilliard est également bien réalisée. Ce sont d'ailleurs à ces deux endroits principalement où l'on peut voir que le budget de cette comédie a véritablement été bien investi. La séquence de la partie du baccarat entre Sellers et Wells demeure tout de même le point culminant du long-métrage, dont la musique du compositeur Burt Bacharach est ici fort mémorable, vous vous surprendrez à siffloter l'air pendant un bon bout de temps. Mais du côté des points faibles, eh bien, pour le reste, cette adaptation du premier roman de la série des Bond est décousue et est également marquée par une volonté de surenchère. Le scénario est totalement confus, l'histoire n'ayant tout simplement aucun sens. De plus, l'humour est facile et ennuyant, et même cette gigantesque distribution de talent ne réussit pas à sauver le spectacle. Ce qui n'aide pas non plus à cette histoire dénuée de sens est le montage final, qui est tout simplement horrible, cherchant maladroitement à donner une ligne conductrice cohérente à ce brasier mis en scène par 5 réalisateurs, ce qui n'aide pas ici à l'unité et à la rigueur de l'ensemble. Pour finir, la conclusion est également à la hauteur du spectacle, soit totalement illogique et chaotique, ce qui résume très bien cette œuvre ici. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Burt Bacharach qui a réalisé ici la musique du film. Il avait travaillé sur la trame sonore des films What's New Pussycat, Butch Cassidy and the Sundance Kid et Arthur 1 et 2. Il vous est possible de trouver la trame sonore de Casino Royale en vinyle et en cassette 4 pistes. Ça, c'était mis sur le marché en 1968. Un CD a d'ailleurs été fait de cette édition-là plus tard. Vous avez le Special Reissue qui a été limité à 1000 exemplaires seulement. Ça a été mis sur le marché par l'étiquette Chrysaland le 18 janvier 2011. Ça c'est bien sûr un CD de musique. Vous avez le 45e anniversaire qui a été également limité à 1500 exemplaires seulement. Ça a été distribué par les étiquettes Quartet Records le 28 février 2012. Et au final, vous avez ce CD qui couvre le 50 ans de Casino Royale, une édition limitée à plus de 2000 exemplaires qui a été distribuée également par les étiquettes Quartet Records, donc le 7 décembre 2017. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. powerful new Vio with advanced Intel Centrino Duo mobile technology. Equip yourself like Bond. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. File shows no kills, Bond. But to become a 00, it takes two. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Considerably. The man was Le Chiffre, private banker to the world's terrorists. Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game, he'll have nowhere to run. You're the best player in the service. The Treasury has agreed to stake you in the game. But if you lose, our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. You noticed. I hope our little game isn't causing you to perspire. It doesn't bother you, killing those people. Well, I wouldn't be very good at my job if it did. How's our girl? Melted your cold heart yet? James, get the girl out. You're not going to let me in there. You've got your armor back on. I have no armor left. You've stripped it from me. Whatever is left of me. Whatever I am. I'm yours. The only question remains. Will you yield? In time? Casino Royale est un drame d'espionnage qui a été produit et distribué par les studios Metro Godwin Mayers et Sony Pictures le 17 novembre 2006. Ce film britannique, américain, allemand et tchèque, d'une durée de 144 minutes, a coûté plus de 150 millions de dollars à produire et a amassé plus de 616 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, eh bien, c'est le metteur en scène néo-zélandais Martin Campbell, lui qui avait travaillé sur le film GoldenEye, The Mask of Zorro et Criminal Law. Au niveau du poste de producteur, eh bien, c'est le producteur américain Michael G. Wilson, lui qui avait produit les films License to Kill, Tomorrow Never Dies et Spectre, ainsi que la productrice américaine Barbara Broccoli, elle qui avait produit les films Nancy, GoldenEye et The Rhythm Section. Au poste de scénarisation, eh bien, on y retrouve les scénaristes britanniques Neil Purvis, lui qui avait écrit les scénarios de Johnny English, Return to Sender et Skyfall, ainsi que Robert Wade, lui qui avait travaillé sur les scénarios de The World is Not Enough et Quantum of Solace. Se joint à eux le scénariste canadien Paul Haggis, lui qui avait réalisé les scénarios de Million Dollar Baby, Flags of Our Father et The Third Person. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Giancarlo Giannini, Jasper Christensen, Judy Dench, Tobias Menzies, Isaac de Bacolé, Simon Abkaria et Jeffrey Wright. Blâmé pour avoir abattu froidement un marchand d'armes qui transigeait avec un réseau de terroristes, l'agent secret James Bond fait échouer un attentat à la bombe à l'aéroport de Miami, causant du même coup la ruine du financier Le Chiffre, lié de près à une filière terroriste. Voulant se renflouer, celui-ci participe à une partie de poker à haut risque dans un casino, forçant l'agent 007 à prendre part à ce match dans le but de battre Le Chiffre afin que ce dernier devienne informateur pour les services secrets. Suite au décès du producteur Charles Feldman, les studios Columbia Pictures deviendront propriétaires des droits cinématographiques de Casino Royale. Le 28 septembre 1989, l'empire Columbia Pictures sera alors vendu au géant de l'électronique Sony, l'une des nombreuses sociétés japonaises rachetant alors des propriétés nord-américaines. La transaction se fera donc pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Vers la fin de l'année 1990, Columbia Pictures annoncera son intention de créer une franchise rivale de James Bond, puisqu'elle détenait les droits à cette époque de Casino Royale ainsi que celle de Thunderball. Les studios MGM et la compagnie de production d'Albert Broccoli, Danjack, poursuivront alors Sony Pictures en 1997 pour plus de 40 millions de dollars, le litige se terminant 2 ans plus tard par un règlement à l'amiable. En échange de l'acquisition des droits de Casino Royale et d'un montant de 10 millions de dollars, les studios MGM céderont les droits cinématographiques du personnage de comic book Spider-Man à Sony Pictures. Cependant, quelques années plus tard, Sony, comme Comcast, fera l'acquisition des studios MGM et redeviendra responsable de la co-distribution de la version de Casino Royale de 1967, mais également d'une nouvelle adaptation de ce roman de Fleming qui entrera alors en chantier. Ce sera en mars 2004 que les écrivains Neil Purvis et Robert Wade commenceront à écrire un scénario avec l'acteur Pierce Brosnan dans le rôle de Bond. Les deux hommes avaient pour but de ramener la saveur des romans originaux de Ian Fleming dans la franchise. Alors que les ébauches étaient sur le point d'être finalisées, il fut décidé que la scène d'ouverture montrerait alors comment Bond obtiendrait sa licence 00. C'est alors que le réalisateur Quentin Tarantino exprimera son intérêt pour réaliser l'adaptation de Casino Royale, mais les producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli n'étaient point intéressés, trouvant que le style du réalisateur brisait beaucoup trop avec celui de la franchise. Ce sera finalement en février 2005 que le réalisateur Martin Campbell, qui avait précédemment réalisé GoldenEye 10 ans plus tôt, fut choisi comme réalisateur du film. Campbell embauchera alors le scénariste Paul Haggis afin de travailler le script final de Purvis et Wade. Sur les recommandations de Broccoli et Wilson, qui pensaient que Casino Royale devait être beaucoup plus réaliste que les films précédents de la franchise, le scénariste aura alors la tâche d'éviter le plus possible une imagerie nécessitant les effets d'image générés par ordinateur. Suite au succès de Die Another Day, Broccoli et Wilson étaient très satisfaits du succès de la franchise avec Brosnan et lui promirent qu'il serait de retour pour le rôle pour une cinquième fois. Cependant, alors qu'il se trouvait aux Bahamas pour le tournage de After the Sunset, Brosnan recevra un appel des deux producteurs qui lui annonceront alors leurs intentions de rebooter la franchise avec un acteur beaucoup plus jeune et, après un appel qui ne durera que quelques minutes, l'acteur irlandais sera remercié de ses services. Plus de 200 noms seront alors envisagés pour son remplacement. Ce sera finalement le comédien britannique Daniel Craig qui obtiendra le rôle de Bond, l'acteur acceptant l'offre après avoir lu le scénario. Cependant, suite à la conférence de presse où il sera présenté, une controverse surviendra, certains critiques et fans exprimant des doutes sur le fait que les producteurs avaient fait le bon choix. D'ailleurs, et ce tout au long de la période de production, des campagnes Internet telles que DanielCraigIsNotBond.com ont exprimé leur mécontentement et menacé de boycotter le film en signe de protestation. Parce qu'il était blond, de nombreux fans suggéreront à l'acteur de se teindre les cheveux en brun pour le rôle, mais Craig refusera catégoriquement, décidant plutôt de se couper les cheveux courts pour avoir une apparence beaucoup plus brutale. Pour le rôle de Vesper Lynd, la directrice de la distribution Debbie McWilliams considéra fortement les actrices Angelina Jolie, Charlize Theron, l'actrice belge Cécile de France et Olivia Wilde, mais ce sera finalement la comédienne française Eva Green qui obtiendra l'emploi. L'actrice Tsai Chin, qui avait précédemment interprété Ling dans le film de 1967 « You Only Live Twice », obtiendra le rôle de Madame Wu. Ce sera finalement l'acteur danois Mads Mikkelsen qui obtiendra le rôle du chiffre. Après que les critiques aient surnommé « Die Another Day » acheté un autre jour en raison d'une vingtaine d'accords de placement de produits commerciaux dans la production, la compagnie Eon Production limitera ses ventes d'articles promotionnels pour Casino Royale. Au final, les partenaires comprendront Ford, Heineken, Smirnoff, Omega SA, Virgin Atlantic et Sony Ericsson, sans oublier bien sûr la compagnie de voitures Aston Martin. Le tournage principal de Casino Royale débutera le 3 janvier 2006 et se terminera le 20 juillet de cette même année. Principalement tourné au studio Barrandov à Prague, avec des tournages supplémentaires aux Bahamas, en Italie et au Royaume-Uni, la production se terminera au Pinewood Studios. À l'origine, le film devait être filmé en Afrique du Sud, mais la compagnie Eon Production rencontrera des problèmes pour sécuriser les lieux de tournage, ce qui forcera alors le déplacement de la production aux Bahamas. En concevant le générique du début du film, le graphiste Daniel Kleinman s'inspirera de la couverture de la première édition britannique du livre de Casino Royale, publié en 1953, qui présentait un dessin original de Ian Fleming, soit une carte à jouer bordée de 8 cœurs rouges dégoulinant de sang. Pour le film, le superviseur des effets spéciaux Chris Corbould reviendra à un style beaucoup plus réaliste, comme le désiraient les producteurs, réduisant ainsi considérablement les effets numériques. Pour le naufrage de la maison vénitienne, cette scène mettra en vedette la plus grande plateforme jamais construite pour un film de James Bond. La plateforme, pesant environ 90 tonnes, incorporait des composants électroniques avec des vannes hydrauliques étroitement contrôlées par ordinateur en raison du mouvement dynamique du système sur ses deux axes. Le même système informatique contrôlait également le modèle extérieur que l'équipe des effets spéciaux avait construit à une échelle d'un tiers pour filmer le bâtiment s'effondrant finalement dans le canal vénitien. L'ascenseur modèle à l'intérieur de la plateforme pouvait être immergé dans plus de 19 pieds d'eau et utilisait des bancs de compresseurs pour réguler strictement le mouvement. Au moment du tournage, la compagnie Aston Martin en était encore aux dernières phases de conception du modèle DBS. Aston Martin a livré deux voitures fonctionnelles pour le film. En plus de ces deux véhicules, la compagnie préparera trois anciens DB9 pour les utiliser comme voitures de cascade ressemblant à la DBS pour la fameuse scène de l'accident. Ce sera d'ailleurs le cascadeur Adam Curley qui réalisera la cascade dans laquelle la voiture, qui roulait à une vitesse supérieure à 110 km/h, effectuera plus de 7 rotations pendant le tournage. Cette cascade sera confirmée par le livre Guinness des records le 5 novembre 2006 comme étant un nouveau record du monde pour le nombre de tonneaux effectués par un véhicule de façon naturelle et non numérique dans un film. Pour la composition de la musique du film, ce sera le compositeur américain David Arnold qui s'occupera de l'œuvre ici, son quatrième long-métrage dans la franchise. Lors de l'enregistrement, ce sera le conducteur Nicholas Dodd qui dirigera l'orchestre symphonique pour la musique instrumentale. Quant à la chanson-titre du long-métrage, « You Know My Name », Arnold collaborera avec l'ancien chanteur d'Audioslave et A Soundgarden, Chris Cornell, pour sa composition. Cornell sera le premier interprète masculin depuis le groupe A-ha dans The Living Daylights en 1987 à interpréter une chanson-titre pour la franchise. La bande musicale de Casino Royale sera achevée tôt, le matin du 11 octobre 2006. Le 21e film de la franchise de 007 aura sa première simultanément au Odeon Leicester Square ainsi qu'à l'Empire à Londres le 14 novembre 2006. L'une de ces deux représentations sera marquée par la présence de la reine Elisabeth II, accompagnée du duc d'Edinburgh. La moitié des recettes amassées durant cette soirée sera versée à la Cinema and Television Benevolent Fund, dont la marraine n'était nulle autre que la reine elle-même. Lors de sa sortie au Royaume-Uni, Casino Royale battra des records au box-office, atteignant au final la toute première position du box-office annuel au Royaume-Uni et le 10e film le plus lucratif de tous les temps dans le pays. Lors de son ouverture aux États-Unis, le film d'espionnage rapportera un total de 40,8 millions de dollars durant son premier week-end. Au final, il amassera plus de 167,4 millions de dollars en Amérique du Nord, devenant ainsi le film le plus rentable de la série avant d'être dépassé par les 168,4 millions de dollars de sa suite, Quantum of Solace. Le 18 novembre 2006, Casino Royale a ouvert ses portes en première position dans 27 pays avec un week-end brut de plus de 43,4 millions de dollars sur le marché hors Royaume-Uni, Irlande, États-Unis et Canada. Le film a conservé la première place du box-office mondial pendant plus de 4 semaines et rapportera plus de 426,8 millions de dollars additionnels au niveau international. Il s'agira du volet le plus rentable de la franchise jusqu'à ce que Skyfall le dépasse en novembre 2012. Deux jours seulement après sa première, des copies du film piraté apparaîtront sur le marché noir de Londres. Même l'acteur Daniel Craig se verra offrir un DVD pirate du film. En effet, Craig se promenait alors anonymement dans les rues de Pékin, portant un chapeau et des lunettes pour éviter d'être identifié lorsqu'il se fera offrir le DVD en question. En janvier 2007, Casino Royale deviendra le tout premier Bond à être projeté dans les cinémas de la Chine continentale. La version chinoise sera éditée avant sa sortie, la référence à la guerre froide redoublée et un nouveau dialogue ajouté expliquant le processus du baccarat, le jeu étant moins familier pour la population chinoise. Le drame d'espionnage amassera plus de 11,7 millions de dollars en Chine alors qu'il était projeté sur plus de 468 écrans. Au British Academy of Films and Television Arts Award de 2006, Casino Royale remportera le prix pour le meilleur son ainsi que l'Orange Rising Star Award remporté par l'actrice Eva Green. Le film sera nommé pour 8 prix BAFTA, dont meilleur film britannique de l'année, meilleur scénario, meilleure musique de film, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur décor, meilleure réalisation en effet visuel et meilleur acteur, Daniel Craig devenant ainsi le tout premier acteur à recevoir une nomination au BAFTA pour son interprétation de l'agent 007. Craig remportera également le Evening Standard British Film Award du meilleur acteur. Casino Royale remportera également le prix d'excellence en conception de production de la Guild des directeurs artistiques et la chanson « You Know My Name » du chanteur Chris Cornell remportera le prix satellite de l'International Press Academy pour la meilleure chanson originale. Le film sera également nominé pour 5 Saturn Awards, dont meilleur film d'action-aventure-thriller, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario et surtout meilleure musique. Casino Royale fut également nominé et remportera de nombreux prix internationaux pour son scénario, son montage, ses effets visuels ainsi que sa conception de production. Plusieurs membres de l'équipe ont également reçu des Taurus World Stunt Awards 2007, notamment Gary Powell pour la meilleure coordination des cascades et Ben Cook, Kai Martin, Marvin Stewart Campbell et Adam Curley pour le meilleur travail au niveau des cascades. En mai 2006, MGM Home Entertainment sera revendu à la 20th Century Fox, reprenant ainsi les droits de la version de 1967 de Casino Royale. Par la suite, United Artists obtiendra ces mêmes droits en s'associant avec MGM, puis ces derniers retomberont entre les mains de Amazon Prime suite au rachat de la compagnie MGM Entertainment. Pour Casino Royale version 2006, les droits appartiennent en partie à la compagnie Sony, bien que les droits du roman, eux, sont partagés entre Dan Jack, la société Eon Production et Famous Artist Production. Du côté des points forts, eh bien, le réalisateur Martin Campbell, qui nous avait donné l'excellent GoldenEye, est de retour en force ici pour ce 21e Bond officiel. Sa mise en scène solide et agressive nous donne ici un Bond beaucoup plus violent que ce qu'il nous a été donné de voir jusqu'ici dans la franchise. Le long métrage mise ici davantage sur l'action pure et le suspense que sur les gadgets qui nous manquent quelque peu ici tout de même. Les scènes d'action sont tout simplement époustouflantes et le rythme est assez bien soutenu pendant les deux premières heures du film. Le réalisateur réussit à garder l'intérêt de son auditoire avec la partie de Baccarat en entremêlant cette dernière à travers divers moments intenses qui empêchent l'auditoire de mourir d'ennui à regarder une simple partie de cartes. Le scénario, lui, reste assez fidèle, surtout dans l'épisode central orchestré autour de la partie de poker. Bien que toutefois mécanique, l'intrigue s'avère bien huilée. Pour la distribution, celle-ci est excellente, tout comme la musique de David Arnold, qui s'amuse avec l'auditoire en patientant jusqu'à la fin du long métrage avant de nous faire entendre la musique thème de notre héros, un moment où nous découvrons à quel moment Bond est devenu Bond. Pour l'acteur Daniel Craig, ce dernier nous fait penser à l'époque Sean Connery avec la brutalité de son visage et son assurance et impressionne par le côté humain donné à son personnage. Mais du côté des points faibles, là où Craig apporte un rafraîchissement au personnage de 007, il est difficile de s'acclimater à ce nouveau look de l'agent britannique, ce dernier cassant définitivement avec l'air Moore, Dalton et Brosnan. Pour moi, Craig a de l'air plus d'un bouncer que d'un agent secret, mais son look de tueur est tout simplement parfait pour un agent secret de sa trame. Au final, Craig est parfait pour le rôle d'agent du MI6, mais pas pour celui de James Bond. Un autre gros problème est le fait d'avoir gardé l'actrice Judi Dench dans le rôle de M, cette dernière ayant pris possession du rôle à l'époque de Brosnan. Alors que ce film est supposé rebooter la franchise et se passer avant l'ère Brosnan, cela n'apporte que de la confusion, son personnage venant tout juste d'arriver dans le poste de M avec Brosnan, dont les aventures techniquement surviennent bien après ce film. De plus, l'histoire manque de crédibilité, et ce dès le départ. Tout le monde semble connaître Bond, alors que celui-ci est un nouvel agent secret. De plus, le fait que ce dernier paraisse dans le journal et soit identifié comme agent du MI6 et que, par la suite, celui-ci se retrouve dans la résidence de M sur son ordinateur principal avec ses mots de passe personnels ferait normalement de cet agent-là le danger numéro un de la nation britannique et devrait normalement être abattu par les services secrets britanniques. Un autre aspect qui dérange beaucoup ici est le fait qu'avant, Bond égalait plaisir et amusement, ce qui n'est plus le cas ici. Le film est lourd, se prend au sérieux et l'humour et les gadgets manquent beaucoup ici. Deux aspects qui sont une marque de commerce majeure de cette franchise. D'ailleurs, la dernière demi-heure de Casino Royale nous démontre ici ce qui est problématique avec ce nouveau concept de la franchise qui sombre alors dans le mélodrame et le drame psychologique, nous donnant alors un segment long et interminable avant la fin explosive du film qui est ébloui par son concept mais qui s'effondre par sa base romantisée. Au final, Casino Royale se veut la meilleure adaptation du roman qui nous a été donné de voir jusqu'ici, un excellent film d'espionnage dont le charme des autres films de la franchise manque terriblement, Bond cessant d'égaler le mot « divertissement ». Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur britannique David Arnold qui s'occupe de la musique ici, lui qui nous avait donné les trames sonores des films Independence Day, Stargate, Godzilla, la version de 1998, ainsi que Tomorrow Never Dies. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Casino Royale sous l'étiquette Sony Classical qui a été distribuée en CD le 14 novembre 2006. Du côté des cotes artistiques, eh bien, le film Casino Royale version 1967 a été coté 5 par Mediafilm. Moi, j'y vais avec un 6. Manque vraiment de cohérence, ce film. Mais visuellement, c'est quand même un beau film à regarder. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous. Du côté de Casino Royale version 2006, eh bien, Mediafilm cote le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également pour une cote 14 ans pour des scènes de violence. Concernant Casino Royale, l'édition 1954, eh bien, du côté des points forts, ce téléfilm possède quand même, pour l'époque, une bonne qualité technique et une bonne mise en scène, quoique très théâtrale. Les décors sont quand même de bonne qualité et le scénario permet rapidement de bien mettre en place l'histoire que nous allons voir. D'ailleurs, la première partie de Casino Royale est très intéressante et garde facilement notre intérêt, l'acteur Peter Lorre étant excellent dans le rôle du chiffre. Mais du côté des points faibles, eh bien, l'acteur Barry Nelson n'est peut-être pas le bon choix pour interpréter le personnage de Bond, ce dernier étant beaucoup trop émotif pour être un agent secret. Et de plus, son personnage semble totalement perdu dans cette histoire, manquant d'assurance et étant dirigé continuellement par son environnement, comme si ce dernier était incapable de prendre le contrôle de celui-ci. La partie de Baccarat manque définitivement de panache, le tout semblant être orchestré sans aucun suspense. De plus, les amateurs seront choqués de voir que la nationalité de certains personnages ont été interchangées, Bond étant ici un Américain pur et dur, alors que le personnage de Leiter, lui, devient britannique. Pour le reste, le téléfilm sombre dans l'ennui total à partir de la deuxième partie, le format télévisuel n'étant véritablement pas la place pour présenter une histoire de l'agent 007. Du côté des cotes artistiques, et bien sûr, vous devinerez que comme c'est fait pour la télévision, Mediafilm n'a pas de cote à donner à ce film. Moi, j'y vais avec une cote 5. C'est quand même un produit moyen, mais quand même l'introduction est intéressante. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, je donne une cote pour tous à ce téléfilm. Pour la distribution en DVD et en Blu-ray, vous pouvez trouver la version de Casino Royale 1967 en DVD ainsi qu'en Blu-ray. D'ailleurs, si vous faites attention, sur une des éditions de Casino Royale, édition 67, vous trouverez également dans les bonus l'épisode original de 1954, si des fois vous voulez mettre la main dessus. C'est d'ailleurs la seule façon d'y avoir accès, sauf si vous allez sur YouTube, où à ce moment-là, il existe quelques versions disponibles. Pour l'édition 2006, eh bien, Casino Royale est disponible dans les deux langues, tout comme en passant à la version de 67. Donc, la version de 2006 est disponible dans les deux langues, en DVD, en Blu-ray et également en 4K. Quelque chose que vous pouvez rajouter à votre collection vidéo. Coming soon to a theater near you. Candyman, flesh and blood? I'm afraid not. But he lives in the mirror. You say his name 5 times, he's supposed to come. That's how he gets you. You guys don't really believe that, do you? The screen's most brutal killer is back for blood. They say he came back from the dead. His hand replaced by a bloody hook. And revenge never tasted so sweet. Believe. Let's go. Trina, you broke the door. I feel really connected to this neighborhood. Cabrini Green. It was a project. I am the writing on the wall. The sweet smell of blood. Be my victim. This is not real. It's not real. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you.